Sophie Malcor, Une ronde pour Dutilleul, roman policier, les éditions de La Fée Coupaille. Pour Daniel Lutringer à la Voix d'Or et les merveilleux auditeurs d'audiocité.net. Chapitre 1er, 5 juillet 1968. Comment t'appelles-tu, ma puce ? Demanda l'inspecteur Simon d'une voix douce. Marie, lui répondit une toute petite voix. Marie comment ? Je ne sais pas, répondit à nouveau la toute petite voix. Où habites-tu, Marie ? Ben, à la maison. Où est ta maison, ma puce ? La petite fille se troubla un peu et répondit d'une voix moins assurée. Je ne sais pas. L'inspecteur Simon tentait de la rassurer. « Bon, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. On finira bien par la trouver, cette maison, » dit-il gentiment. « Comment es-tu venu dans le parc ?» Cette fois, Marie eut un très joli sourire. Au moins ça, elle le savait. On a pris le train et puis le bus avec Nanou. « Elle est où, Nanou ?»« Ben, elle est partie, » répondit Marie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Elle t'a laissée toute seule dans le parc avec ta valise ?»« Non. » J'avais Teddy et mon sandwich. Elle m'a même acheté un paquet de bonbons. L'inspecteur regarda la si jolie petite fille qui lui faisait face, et surtout ses grands yeux bleus encore pleins d'innocence. Il était effaré. Qui donc avait pu se débarrasser d'un tel petit ange ? Il fallait essayer encore une fois. Tu vas à l'école, Marie ? Oh non, c'est les vacances. L'inspecteur Simon se maudit intérieurement. Il l'avait complètement oublié. Mais il fallait mettre à son crédit que lui-même n'avait pas encore d'enfant. « Il a roulé longtemps, le train ?»« Je ne sais pas, » répondit Marie ennuyée. « Je me suis endormie, mais il était encore très tôt quand on est parti, parce que j'ai vu que c'était encore la nuit. »« Comment es-tu allée à la gare ?»« Un vieux monsieur nous a emmenés. »« Tu le connaissais, le vieux monsieur ?»« Non, mais Manou m'a dit qu'il ne fallait pas avoir peur. »« Il a roulé longtemps, le monsieur ?» « Je ne sais pas, pas très. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Ben, il a sorti les valises du coffre et puis il est parti. »« Les valises ?»« Ben oui, ma valise et celle de Nanou. »« Elle en avait plusieurs ?»« Oui, deux. Une grande rouge et une bleue. »« On est entré dans la gare et Nanou m'a dit de bien faire attention à Teddy. »« Elle était grande, la gare ?»« Je ne sais pas. Mais celle où on est arrivé à l'heure là, oui, elle était grande. » Ensuite, tu as pris le bus ? Non, pas tout de suite. Nanou a d'abord mis ses valises dans un placard, de même qu'elle m'a dit de bien rester à côté d'elle. Comme j'avais un tout petit peu peur, je n'ai pas bougé. Ensuite, on a pris un bus vert et blanc. On a roulé et puis Nanou a dit qu'on était arrivé. Elle m'a acheté un sandwich et elle est partie. Tu n'as pas eu peur tout ce temps ? Ben non, je savais que Nanou devait partir. L'inspecteur Simon eut toutes les peines du monde à ravaler sa colère. Visiblement, l'abandon avait été mûrement réfléchi. Aucun détail n'avait été négligé. L'enfant était propre, bien mise, avec des effets neufs, et à sa taille. On l'avait déposée à côté du bassin du jardin du Luxembourg. Ainsi, elle avait pu se fondre une bonne partie de la journée parmi les autres enfants, sans que personne ne s'en soucie. Seul un vieux monsieur qui habitait le quartier depuis des années l'avait repéré. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'on était parvenu à reconstituer un début de chronologie. Monsieur Flavin avait tout de suite remarqué la fillette vers les 11 heures. Pourquoi ? Parce qu'elle était tout simplement trop bien habillée et que ce n'était pas dimanche. Naturellement, ce pouvait être une petite cousine venue à Paris pour les vacances, mais Monsieur Flavin avait rapidement eu un doute. « Vous comprenez ? » avait-il dit en amenant la fillette au commissariat. « Les vêtements comme cela, ça coûte cher. » Aucune maman n'accepterait que sa fille aille jouer avec de tels effets, à moins, bien sûr, que les parents ne soient très riches. Mais dans ce cas, elle aurait été accompagnée. Monsieur Flavin avait quitté le parc avec un sentiment de malaise. Quelque chose ne collait pas, et comme son médecin lui avait préconisé de prendre le plus d'exercice possible, il s'était promis de repasser par le parc. Grand bien, lui en avait pris, car, hélas, à 3 heures, l'enfant était toujours là, assis sur un banc cette fois. M. Flava avait pris son courage à deux mains et s'était approché. Heureusement, l'homme jouissait d'une haute moralité dans le quartier. C'était un ancien pâtissier qui habitait le coin depuis très longtemps. Il était bien connu du commissariat et toujours pour de bons motifs. En s'approchant, il avait aperçu la valise bien trop grande et avait commencé à avoir peur. Il n'osait comprendre. « Tu viens d'où, mon poussin ?»« Je ne sais pas, » avait répondu une petite voix dénuée de tristesse. « Tu es perdu ?»« Non, » répondit la même petite voix. « Où est ta maman ?»« Elle est partie. » « Tu n'es pas toute seule ?»« Si, je suis toute seule. »« Tu n'as pas peur ?»« Non. »« Tu veux bien venir avec moi ?» L'enfant se leva très obéissante et tendit sa petite main d'un geste plein de confiance. M. Flavin frémit. Il fallait mettre cet enfant à l'abri au plus vite et alerter le commissariat. « Tu veux bien porter ma valise ?» lui demanda poliment l'enfant. « Bien entendu, » répondit M. Flavin d'une voix étranglée. L'homme eut alors un sourire amer. La valise n'avait guère dû bouger car la petite ne devait même pas pouvoir la soulever. Elle était bien trop lourde. Le bagage était un peu usé et dépourvu de toute particularité en dehors de sa couleur, un jaune moutarde assez affreux. Il comportait juste une étiquette tapée à la machine qui mentionnait simplement « Marie ». En chemin, M. Flavin croisa une voisine qu'il put informer de la situation. Ainsi, Lucienne, sa femme, ne se ferait pas de soucis inutiles. Ensuite, il s'était hâté de gagner le commissariat. Heureusement, la petite marchait très bien. M. Flavin avait une grosse boule dans la gorge, mais il devait faire son devoir, même si, confusément, il sentait qu'il n'y avait aucun espoir. L'inspecteur Simon n'était pas loin, hélas, de partager son sentiment. La valise avait été soigneusement fouillée. Tous les effets étaient neufs, mais on avait pris soin de bien faire disparaître les étiquettes. Il fallait se résoudre à appeler le juge Gerbier, à qui reviendrait la lourde tâche de prendre une décision. Cette fois encore, l'inspecteur Simon n'aurait pas aimé être à sa place. Il regardait la si jolie petite fille qui lui faisait face, ses immenses yeux bleus et ses longs cheveux blonds. Il espéra secrètement que quelqu'un viendrait la chercher. Mais personne ne se présenta jamais.